au-delà du ponant, au point où la lumière n'ose plus s'aventurer. Longuement s'écoule un présent sans durée, hors de portée des boussoles. À l'ouest, il est un lieu perdu dans le désert liquide, un continent caché sous les plis des abysses, terra incognita. À leurs gestes flottants, à leurs vêtements trop amples, à leurs regards trop grands, leur démarche de marionnette à qui l'on a coupé les fils, la soumission tranquille de ceux qui savent déjà qu'ils n'en reviendront pas. Pas davantage que s'ils avaient la peste. Il était une fois à l'ouest. Il est un lieu perdu dans le désert liquide, un continent caché de cœurs à la dérive, un étrange underworld noyé en. S'ils existent, on peut y voir des chaises s'écraser sans bruit sur des boîtes crâniennes molles, des rixes de saloon au ralenti, des joueurs qui déposent à deux à l'heure, des quintes floches perdantes, hors de porte des cartes, oubliées des boussoles. Il est un lieu liquide qu'on appelle Atlantide. C'est là que nous nous reverrons, quand nous en aurons fini, pour de bon, de lâcher du lest.